Et qu'on chute direct dans le bras. Des pilules, des médicaments, oh non, jamais ça dit. Bah peut-être, ouais, peut-être qu'un peu d'amphétamine pourrait transiter par chez nous avant d'atterrir chez quelqu'un d'autre, et il y a une seule raison pour ça. J'en ai gobé plus d'une quand j'étais au secondaire pour arriver à faire mes devoirs. Mais je refuse d'aller plus loin que ça. Je vous jure, on vous offre un produit pur, cultivé sur place, juste pour vous. Pourquoi? Parce que je veux pas faire exploser ma maison en transformant des antihistaminiques en dynamite. Spirituellement, je refuse de récolter quelque chose qui devra passer dans une fraîche. Une chimique, ça n'a aucun intérêt. Il y a même des ancêtres qui ont fait la contrebande. peu plus scientifique de nous. Ça, je veux dire,